les pays européens de l'Ouest se doivent de reconsidérer leur coopération Nord-Sud. Cette coopération Nord-Sud ne sera ni financière ni économique. Cette coopération Nord-Sud devra être, en réalité, un véritable nursing pour aider ces jeunes démocraties à s'épanouir, sans leur mettre le couteau sur la gorge, sans vouloir passer d'une façon brutale du parti unique au multipartisme. Autre sommet, 4 ans plus tard, il se tient cette fois-ci à Biarritz en novembre 1994 et sera le dernier pour François Mitterrand, qui se retirera de la vie politique au terme de son deuxième mandat présidentiel en mai 1995 et décédera à Paris le 8 janvier 1996.